La vie c'est comme une lame. Es-tu d'accord qu'un cutter sa taille? Je vais rejoindre Albator, je monte à bord de la fusée Ariane. Pour le projet on fera comme la super Ryan. Face aux épreuves de la vie, il faut la force d'un super Saiyan. Combien de connards trice dans le dos arnaque, qui fait que trop de gars size. Pour de l'eau ça se braque. Déshydraté, je bois du Selecto, pas du Coca Light. Sur terrain je me marquais, je suis comme Mark Landers face à Thomas Price. Face à des lois que certains ministres adoptent, dans les contours on n'a pas le choix comme les victimes d'Adolf. Devine qui charbonne comme Nicky Larson. Pour me stopper sur un marteau de 10 kills maçon. Je m'apaise avec un pet, mon petit pet le furtivement fatigué. Car la paix se fait rare comme un mec du Kurdistan à Sydney. Je crois plus aux merdes vu qu'ils m'ont attiré. Je rappe et je me sens un peu comme Ken le survivant à Disney. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Mais la tour est très haute. Personne n'a jamais réussi à en atteindre le sommet. Le peuple en presse à ce sujet, l'état parle de citron. Avec les miens, je me conduis mal, faut que je répare le guidon. J'ai ce regard de petit con, même mes gars te le diront. Dehors, c'est Street Fighter, je balance des Hadoken car je veux battre Bison. Avec François, pas la Hollande, c'est l'état. C'est affolant, je mets des tas car je milite et par moments, je pète des caps. Sans être cynique, je suis insolent, je fais mes armes plus jeunes. Pour être viril, je m'identifie à l'arrogant Vegeta. Aucune chance, j'appe sur Fantomètre. A la télé, non, je n'ai pas vu de gens honnêtes. Pensez que j'adule sans Goten, ce que je dis, je l'assume sans omettre. Dans mon équipe, personne n'apprécie Shen avec son armure d'Andromède. Si c'est la guerre, l'aliment de base sera le grain de riz. Je baisse pas les bras quand on me recale à maintes reprises. J'entends Vergaz à plein de cris. Je vois des complots partout. La théorie du genre était dans Ranma 1,5. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je passe les épreuves, c'est l'ascension de la tour Karine. Je suis pas